julli ha baxna na amna suma suma su jotté rek julli gi bax légi loolu la la tek mom ko mon ak amam lan la fan lay amé effet ci mbir min ci résultat non dédé suma su jotté su jot bu amé lan la waaw légui nak légui ban condition légui mom ci julli gi ban effet la ci am amna ben parti ci julli gi nga matal légui nak mu def res kon moy lan lolu wax ko ci benen anam bu geuna moy mën na bax ko mën na baña bax lolu lay tek manam mom ak amam rek waralu dara mo condition ñoy am condition lolu la leen wax sank neena leen condition ak pilier ñoy am sauf que condition ci bi ci def di lay ne ponk pilier ci bir lay ne legi su jot la la jox exemple ne le pilier la ci julli manam ruknu la ci moy su amé lan mo ko jaba okay bay moy amu ci effet ci amam mom amam amul effet condition fan lay amé effet moy ci ñak amam manam su sujoot amul suma julle julli go xamné sujootuma ci julli gi baxul lolu mom moy ponk wala lolu moy ponk yaangi deg légui mu def lan limo wax sank moy mania moy luy xagne lo xamantene normalement manam mania mom nak moy contraire condition xam nga condition ak pilier manam rukunu ak charte waxon na len différence moy lan bi ci bir lay ne bi ci bi di lay ne moy par exemple japp ak sujud bi par exemple manam wala rukoo na jël exemple rukoo njapp condition la ci julli mais du pilier ci julli njapp du pilier ci julli mais condition la ci rukoo sark la ci alors que rukoo pilier la ci gis ngeen différence voilà légui tay suma amé luñu tuddé légui mu am luñu wax mania moy luy xagné nan lay wax ci tuba buma joxe exemple bi après ngay xol madame la docteur deng legui sa tay su fekenteene dama manam buñ né julli par exemple mbeureuk mané ala ci julli manam day tax julli du wër té du am xam nga tay buma toge dafa am laaj hein d'accord lan la ko dere be ngelaw ñu koy ye wa d'accord wa astaghfirullah deug astaghfirullah legui tay buma ne tay suma de manam mbeureuk tay su fi nekké mané moy lo xamné mom su fi nekké mbir mi day dakk mais su fi nekul du waral amu mbir mi du waral ak ñakam manam ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi al-wujud wala al-adamu li zatihi lol moy mané tay mbeureuk day tax ba wo koor du fi nek manam nit ki tay jigen ju gisee mbeureugam du wor mais ak ñak mbeureuk waralul koor nit ki nonu du ko ñakal ngir jëf manam tay jigen ji kon su gisee mbeureugam di wor sax di wo koor gi du bax ndax lan la ndax mania la ndax mbeureuk mania la ci la voilà empêchement après voilà empêchement voilà empêchement la moy lo xamantene non de obstacle la gëna nek hein wa mais obstacle la gëna nek moy lo xamantene hein voilà lool warna am ci droit hein ni tudé lool moy lo xamanténi su fi nekké hein empêchement voilà moy lo xamanténi su fi nekké hein voilà moy su fi nekul non ma mom su fi nekké rek day tax affaire bi xagn wa dam def meli ñu def France ñu ne la loi bi dafa interdire xalé bam 10 ans ñu marié wa mais en cas d'empêchement manam xalé bi amna 16 ans waye tumb non la dara wa président bu ñuko marié manam lool empêchement lay tuddu quoi aha dafa tire dafa tire ci sax quoi manam tant que mu ngi fi wa tant que amul 18 ans xalé bi du marié voilà tant que voilà exactement tant que amul 18 ans du dagan ni koy marié wa lool mom voilà lool moy manex voilà empêchement voilà légui nak exactement lool moy manex moy luy téré voilà légui légui jëf jo leen gis nak pour mu mëna wër pour mu mëna wër légui nak bu boba fofu luñu duggalé yenen paramètre luñu wax as-sihhatu ak al-butlan ak al-fasad manam moy wër ak yaq fasad ak sihha manam fasad ak butlan jégué won nañ buguma dugg ci domaine bobu niki nonu illa ak sabab jégué won nañ tamit illa ak sabab tamit jégué won nañ presque ben lañ sauf que amna touti différence manam sabab dañ koy faral di wax ci lo xamantene xamuñu sagesse bi nek ci ginnaw alors que illa buñ ko waxe xam nañ sagesse bi nek ci ginnaw yaa ngi deg comme tay par exemple tay par exemple ñu ne jant bi sona sabab la ci timis jot lool moy bu fi jant bi sabab ci fan lay am effet mom sabab ci lan lay am effet ci amam wala ci ñakam ci ñaar yep lay am effet ci ñaar yep lay am effet legui chart ci fan lay am effet mom ñakam ci ñakam mané fan lay am effet ci amam ben legui kon limu wax sank nak kon sabab ak ella lan mo le woutele ci boudé lool manam sabab moy tay par exemple buma né jant bi so sabab la ci julli timis jant bi so sabab la ci julli timis mom moy kon dedet cause la mais sabab la limi tekki moy lan moy buma xamé moy xamuma sagesse bi nek ci derrière parce que amul ben lien direct bu logique bu meuna am entre jant bi duguna ak julli timis jotna manam amul logique buñu ci meuna tek buñ suñu xel yi meuna jaar ah lulul ne sabab mandar ga rek la manam c'est comme si dañ neuma amna yalla dañ la waral na ci yow julli timis mais manam sim bima def sama digeunte ak yow pour nga xamé ni heure bi nga da nga wara julli bi moy bu jant bi sawé c'est comme si lool la lolé sabab kon xamuñu lan bi c'est tout ça ah amul lan sagesse bi xamuñu ko alors que tay bu fekkante tay par exemple dama ni ki nga xamantene mom moy tukki dé wañul nañ ko man may nañ ko mu baña wor comme tukki sabab la dañuy wax sabab wala illa la ci ñaka wor bisu wéru ko wala ba ci wañu sey julli manam sabab la wala ñu né illa la ci ñaka ci wañu ay julli loolu muy tekki moy moy ko suma tukké moy lan parce que sabab waxon na la fa lay am effet mom ci ñaar yépp ci amum ak ñaka ko loolu mom moy suma julli suma tukké wañ may nañ ma wañ mais suma tukki wul mayu ñu ma wañ manam kon moy day am effet ci ñaar yépp hein voilà légui kon sabab lool mom moy différence lool légui nak ella mok sabab presque ben lañ sauf que fofu dañ nan ella bi tax manam légui sabab bi xamna ko sabab bi moy tukki gi hein sabab ak le fait que ñu ne ma tay ñu ne ma ah mën nga baña wor and ak ñi ngi ci wéru koor mais mën nga baña wor sabab bi moy lan han tukki gi waye nak illa bi moy choono gi ngay dac manam moy xam nañ ni comme en général ki tukki day faral di dac choono lolu moy la manam moy cause bi nga xamne moy sagesse bi nek derrière de nga wax lolu tax leg leg ñuy wër wër wëral ha motax ñuy wax al elat legi nak fofu kon ci lañuy duggé ñun manam legi nak pour mo mu gaaw jëf do leen gis il faut sabab bi am charte bi am charte yi mat ruknu yi mat yaangi deg ba pare luñu intifaul ma intifaul mawane am manam moy li nga xamne moy ma lepp luy mané ci jëf jojja daqku jëf ti doga wër da mbir mu nek sax nonu la du sax jëf rek ja mais nak jaamu yalla mom lool fokk mo am moy condition yep fokk nga remplir ko cause yi koy waral fokk ñu nek pilier yi nek fi ba pare luy mané bi dañ bu boba nañ ju jëf ci ñu do ko mëna tuddé jëf ju wër saxex ñu wax saxex dal ka contraire rek jëf ji numuy def day yaq manam tay condition yépp soko dajalé won fekk nit ki jigen ji mi ngi gis ay mbeureugam bu woré jëf ji ju koor ji du baax han bu jullé julli gi du baax and ak condition yépp mat nañ cause bi waral julli gi tamit ñi ngi fi moy jant bi sona et cetera donc yoyu lu am solo la manam lan moy comme tay julli ma ngi julli ni yeb han condition yi ñu ma teural yeb am am buma ci manké julli gi du bax légui nak pilier yi ma am buma ci manké julli gi du bax sama bi neeku fi julli gi du bax moy jant bi soogul ma dem ji na may julli timis dama yakamti julli gi du bax donc ce qui fait que légui lool limi tek moy lan limi tek moy dama wara samonté ak yoy yep pour sama julli la pour sama jaamu yalla bi bax yaangi deg pour jaamu yalla gi meuna wir légui nak mu dess nangou nak benen affaire la mena fokh la wa moy problème bi rubbama fataha laka babal taa wala yuftah laka babal qabul bari won na luñ lay ubbulé buntu top té duñ la ubbil buntu nangou ko rubbama qada alayka bizambi fa kana sababan lil wusul bari won na lo xamantene jombul mos yalla dogal ci yow bakkar bakkar bobu nek sabab okay ngir nga meuna jox ci yalla deng kon legui ñu ñew ci qaida benen ci règle benen bi moy al illatu wala bok al hukmu yaduru ma al illatihi wujudan wa adaman bo xolé cause yi nga xamantene masala yi ñu gemé ci walu fiqh bi yépp day boko xolaté manam masala yenen yépp ci gemé day gis ni illa bi lañu bayyi xel moy lan moy tax tax du sagesse bi nek ci ginnaw han te qaida bi lolou moy al hukmu yaduru ma illatihi haythu dara wujudan wa adaman moy até day weur weurlo ak lan ak la ko tax la tax ñu teural até bi moy sagesse bi nek derrière até bobu su fi sagesse bi nek até bi nek fe su sagesse bi fado até bi lan até bi fado lolu mom moy comme fi suñu exemple bi sagesse bi tax yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ne bu len lan han wa kay bu len jeufandiko ndabal ahlul kitab ye ñoña ba mu dess ne bo len amul lenen luddul lolu sagesse bi bu de xam nañ ko moy lan moy sobe giñ ci togg manam ndax ñom wax giñ wax na dañ ci togg lan han wala dañ ci togg ay mbam ko ba par dañ ci def sangara kon lool mom motax mu téré ko ci kaw lool kon lool mom day waral lan lepp lo xamantene kon manam kon bir mi ku meuna sobe fu ci luñ koy meun di duggal rek lool day waral ñak meuna jëfëndiko mu ko bu ca sobe ba amé mu nekk fa manam kon tay ñamal manam kon ndabal chrétien bi tay bu fekkene dafa jënd ap ciin lu bes ha da di koy indi fi dang koy daal meuna jëfëndiko ndax cause bi nekkul won loolul manam cause bi nekkul ci jëmmé chrétien gi mu nekk chrétien mais dafa nek ci jëm mi limuy jëfëliko lamay al hukmu yadur ma ala ta da wujudan wa adama lool nak dafa bari ay règle ay atté yu bare ci sharia day faral di ciégu ci lu mel non yo xamantene dañ koy téré ngir benn affaire lool mom motax souvent bu atté ñëwé muy bax ngay xam lan moy ella bi sauf que nak mu am lu mata baye xel moy ñun julit ni benn ella lañ am de manière générale moy al iman billah moy ñu gëm nañu yalla manam moy tay buñ né lan motax masalan waaw man dama am laaj bu may laaj lan motax yalla man lan motax ñu téré ñu manam sangara haram lan motax mbam xu harama lek premier manam ella bi moy lan yalla moko bugul yalla ko téré loloy ella bi waaw sangas bi nek ci ginnaw moy yalla moko téré yalla nak bu la digele bu xaar xam sagesse bi nek ci ginnaw ndax so fekente dang ko def condition do top digelam te do baye ay terem wa lolou mom motax question bobu su ñewé première question wa deg nañ ni ah sharia de neena nangam wa lolou lutax parce que yalla moko digge jeex lolou moy condi lolou moy cause sagesse hein yalla moko beugé non mo am droit de diglé ka téré mom mo diglé nangam mo téré nangam point final lool nak du téré am yeneeni sagesse yu nekk ci ginnaw yu ñu mëna xam yo xamantene day dugg ci babu li yatma inna qalbi comme ibrahim alayhi salam bimul waxé borom subhanahu wa ta'ala ma bëgg nga won ma nan lañuy dundalé ku nan ngay dundalé ñi dé ñu lako xana gëmo manam laaju ko xana gëmo ndax xamna ni mom ibrahim sallah gëm na ha loolu dafa nek manam xarito gi parce que comme mom moy xaritam mu waxe ko ko nonu mu lako ah kay wala xana rek wala kin li yaqma inna qalbi waye nak ngir sama xol dal manam nguma gëna yok manam ma gëna gis mbir mi affaire bi gëna ha rafet et cetera mo gënou mu gën ci am wu koolute et cetera ci buntu bob moy par exemple ñu a lutax sangara haram nangam nga a sangara kat amna ay yi day def li day waral li day def ni day indi febar sangam day ray ay nit li def nangam mo waral da nga accident yu bari nangam et cetera day min nono ha parce que alcorane ci bopum day faral di jëfëndiko yu mel non parce que bimu haramale sangara tamit dafa wax ay cause innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun yaangi rek manam dafa wax ne ah sangara kat bo xole mom ak jeu de hasard yi limi bo xole shaytan daf koy jefandiko lim beug rek ci fexe bi mi fexe ngeen diko def moy lan moy mu duggal seen digeunte nono ak bañante ak tamit fexe bo ngeen di du moy do len fateliko yalla do len ko tuddu manam kon ba pare ak julli do len fonku sen julli parce que bo len nané ba ni pou julli gi mom tem nga factoriser ko wala do ko bayyi xel deug ak yu mel non donc benen mbir mi nga xamantene ci bir lolu kon muy elay manam tax tax yi cause yi nga xamantene ñom ñoy faral tamit di am ci jaamu yalla yi manam cause yoyu sa borom subhanahu wa ta'ala kon leg leg mu am yum ñu ci xamal ne li mom motax ma def ko wala bok li sagesse la ci bir tant d'autres sagesse yoy nak limi waral moy day waral may meuna xam qiyas manam may meuna def qiyas may meun wala moy def comparaison approximative wala raisonnement par analogie wala moy il haqu far'an bi aslin li 'illatin jami'atin baynahuma dañ nga el la ni mu amé solo moy may fexé di dajalé di jël ben élément bo xamanténé dañu xam att sharia ci mbir mi mu gis yenen élément yu bok ak mom cause bobu manam sagesse bobu nonu bi tax ñu teural att ba ñu teural ci lola ma man leena bolé ni ñom ñoo bok atté hmm ma man leena bolé ni ñom ñoo bok atté comme tay buñu xolé cause yi ñu tuddu légui comme exemple biñu faral di joxe cause yi ñu tuddu légui ci sangara né mom mo waral borom subhanahu wa ta'ala téré ko boko xolé mom mo am ci football bi nono yi gaay ligun ci ak gaay ci dess di doranté supporter marseillais ak parisien nono gek bañanté gi han ak tamit le fait que ñu lay distraire xam nga dañ na loisir distraction la ba tax do tuddu yalla han ak tamit julli gi manam du ne ah gaay timis jot na day nan arrêté marché bi dem julli gi te delu ci wat wala lolou après yeneen mbir la manam lolou gëna affaire la benen business mom moy leg leg ben acte sharia am ay cause yu bari yu ko war buñu xolé suñu exemple hadith yi da nga gis ne ben acte sharia bi moy lan moy a limu téré ñu jëfëndiko ndabal ahlul kitab yi ci condition yi nek ci hadith bi mais buñu xolé cause yi moy bu ñëk bi moy condition yi tek manam moy lan moy jëfëndiko gi ñi jëfëndiko lan sobe yi mais ñaarelu bi mom moy liñu tuddé al wala ou al bara na manam moy lan moy né distance biñu wara tek suñu digënté ak ñan ak yifiri di bandi dugënté ak ñom fofu nak ci lañuy duggé ci al wala ou al bara mu am benn mbir mais avant ñu ci dugg ñu am benn masala bu am solo buñu wara buñu faté won ci biir masala fekk bi la ko doon duggal té mom moy le fait que yenen tibi sallam jëfëndiko musadat imra'atin mushrika bi manam moy bagam bobu nonu dama melni nda and ak ne der la buñu wul mais ba bari yéfer moko def and ak lolu yépp la yenen tibi sallam ak sahaba bi radhiyallahu anhu dañ ci jëfëndiko lolu lan lay tékkelé lolu day tékkelé né amul benn masala bu mu len di fatal hein moy ñu biñu wulé dé la lan si la lay di fatali ci lool okay bay moy buñu wulé dér déru med rek lat la ce qui veut dire que ñu ko ak ko mënti wulli ak ñu ko mën ak wala ak dér bi lu mëna do wa légui benen bir bi nga xamantene mom moy kon manam al wala wal bara lolou dafa melni meme ci jotay ci ki bi wessu en seigne abdallah gisone nagn non gisunu ko won kon amna fan lañ ko gisone ci ban lañ ko gisone ci bako jitu ah d'accord kan mo defone resume bobu ah seigne di gisone nagn ki wala wal bara wa kon baxna manam al wala wal bara moy lol moy distance biñu war di tek lolou gis nañ ko gisat moy distance biñu war di tek entre ñun ak yefiri manam tay le fait que ngeen di jaxaso legui dañ koy gisse rek ci benen angle manam dootu ñu ñewati ci argumentation ndax lolou gis nañ ko gisat mais dañ koy gisse ci benen angle moy lan moy mbir mi du ñam rek ci yefiri mais kepp ko xamantene tamit manam ak jikkom dafa ñaaw té muy yak li nga xamantene manam mom moy jikoy xalé yi wala mag ni et cetera wala ak and ak mom di waral ak njubati aku mbewte aku ciankute boba day dal di nek ko xamantene da ngay jël toutes les dispositions comme ni yantibi sallalahu alayhi wasallam téré fi gaay ah deng ndabal ñooñu kat bu len len laal bu len len jëfëndiko luddul ngeen am yudul yoyu so len amul yenen yudul yoyu nak ngeen jël yoyu ngeen raxas ko manam kon ngeen am luñu al ihtiyat mam ngeen sam ci bir mom ce qui veut dire que même ki nga xamantene yefir bi nga xamantene yow amulo sax wala ku jubati nga xamantene yow muno am ludul amulo dara manam amulo benen pexe ludul ne nga am nga jondjonte ak mom xeyna place ba ngeen di liggey wala la ngeen di et cetera manam fa ngeen di tassé hein même budul won amole ludul lolou rek ben moyen ludul ne fo ngeen jondjo fo ngeen am rapport fo ngeen bek bok ben mbir sax manam nga xam nga am ngay jëfëndiko samon manam di samonté mais sous prétexte sama collègue la rek wala sama dëkkëndo la damay jël sama doom yi ñu leen fa yobbu ñukay vacances yi leerut parce que lan parce que dañ ko dañi duggal ci mom parce que yéfir ak ñun en réalité yéfir daf do xeb dara ci para manam la yarqubu fiikum illa wala bimma moy lool manam duñu samonté yeen ci dara manam du am amul ben intérêt ben contrat ben manam ay droit bo len déggé ñuy wax ay droit nangam loolu moy su len mbir mi arrangé fék mbir mi ngi né di arrangé mais bis buñu démé ba nga xamanteni mbir mi amatul ben intérêt loolu né seen intérêt bop day da di remettre en cause wala bok seen ay idéologie ak seen façon de penser dañ ko bëgg duggal ci sa ci yow wala ci say njabot boba amatul ay droit bo mom droit amatul parce que gis nañ fi ay réew yu bari yu ñu attaquer andak ne dañ doon wax ne dañuy droit de l'homme droit des nangam mais bi seen intérêt taxawé lool dañ koy faté